county. Bon, je vais vous montrer mon test, c'est pour tout à l'heure, quand je compare le test français-chinois. Alors, les livres de François Julien ont été traduits dans une vingtaine de langues les plus parlées dans le monde. S'il vous plaît, voir la liste de ses œuvres et de leur traduction à la fin de sa leçon inaugurale intitulée « L'écart et l'antre » en 2011. Comment traduit cet auteur sans le trahir? Pour reprendre une ancienne inquiétude de trahir, traduire, c'est trahir. Contre cette idée reçue, François Julien lui-même exprime dans plusieurs de ses livres au sujet de la traduction que les langues permettent d'explorer les ressources de la pensée. Je cite par exemple « Babel est à coup sûr une science de la pensée ». Celle de pouvoir sortir de sa langue et de ses idiotismes, avatismes, en tout cas de pouvoir les sonder. Fin de la citation. Ça se trouve dans Entrer dans une pensée, page 161. Il écrit aussi que traduire, je cite, aide à notre possible, à passer. Fin de la citation. Le même endroit. Parlant de sa lecture du début, du livre d'imitation, le I Ching, Yuan Hen Li Zhen, l'auteur d'Entrer dans une pensée précise que, je cite, l'opération ici est non de construction, de sens ou de conception, mais de mise en formule et d'élucidation. Fin de la citation, la page 153. Je vous invite à relire Chemin faisant. Connaître la Chine, relancer la philosophie, et surtout chapitre 8, traduire, page 69 à 81, dans lequel François Julien explique clairement sa méthode de traduire les textes chinois. Loin d'être une opération passive d'aller-retour entre les deux langues, traduire est une activité de dépliement des difficultés rencontrées durant la transition entre deux environnements linguistiques, car c'est en découvrant des plis d'une et de l'autre qu'on fait exposer les possibles d'une langue et en même temps les faire travailler en vis-à-vis, d'où une réflexivité féconde. Dans cet état, le traducteur n'est plus un simple passeur des cultures ou des pensées, mais un véritable explorateur des ressources de l'intelligible. Voilà la bonne attitude, selon moi, d'esprit serein et de patience, jingxin et naixin, de lire les œuvres de François Julien, et la